come. Train of thoughts flap into my imagination. I hope of at the station. Railway takes me far beyond the onset. soir, chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrika, c'est tous les vendredis à partir de 19h. Voilà, on est ensemble déjà depuis quelques temps, le temps que je m'installe, le temps que je me connecte sur Facebook. Vous avez le programme en direct, hein, au fur et à mesure que je vais faire le programme de cette émission, vous pourrez aller voir les titres sur le Facebook de l'émission Mavrika. Comme d'habitude, hein, pour les habitués, hein, il y a déjà des gens qui sont intervenus. On est ensemble jusqu'à 22h. Habituellement dans l'émission Mavrika, vous le savez, on reçoit des invités. Alors, on en a reçu tellement que de temps en temps, on aime bien aussi faire une petite pause de manière à diffuser les morceaux des artistes qui sont déjà venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Bonne surprise en arrivant dans les studios. J'ai trouvé voilà un CD qui m'attendait. C'est le nouveau CD de Narcose. Ils étaient venus il y a quelques semaines dans l'émission Mavrika. Donc, ils m'ont envoyé le CD tout neuf, tout chaud. Voilà, on va l'écouter un morceau, deux morceaux. Allez, on écoute deux morceaux ce soir dans l'émission Mavrika. Le groupe Narcose qui était venu il y a quelques semaines avec lequel on avait passé un très bon moment. Souvenez-vous, si vous avez loupé cette émission, vous pouvez aller aussi sur le podcast, hein, sur le Facebook de l'émission Mavrika. Vous avez régulièrement les podcasts et vous pouvez réécouter les émissions que vous avez loupées. Il y en a un paquet quand même, donc vous avez sûrement dû en louper quelques-unes. Non, pas du tout. Je vous crois pas. Bon, en tout cas, merci d'écouter l'émission Mavrika tous les vendredis soirs. 3 heures de musique. Alors, on a déjà commencé avec pas mal de bons morceaux. Hein. On a commencé tranquille hein, avec le groupe Les Soupules, un groupe qui était venu il y a quelques années, déjà dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ils ont participé à Mavrika Live. Le morceau qu'on a écouté s'appelle La phrase qu'elle préfère. Juste après, c'était Stéphane Acoustique qui était là il y a quelques semaines dans nos studios. C'était il y a 15 jours. Hein. Et le morceau Les Grenouilles que j'avais diffusé avant son passage, une fois qu'il est passé dans l'émission, ben c'est vrai que je l'écoute différemment. Parce qu'il m'a expliqué un petit peu l'histoire de cette chanson. Simplement, c'est un papa qui a fait découvrir des grenouilles en passant à côté d'un lac et finalement à son fils hein, et son fils 30 ans plus tard il le fait découvrir aussi à ses enfants. Donc c'est un petit peu de l'histoire de la roue qui tourne et voilà, de toute façon on pourra pas l'arrêter, donc le mieux c'est d'en profiter au maximum. On a écouté aussi monsieur Hervé Deroff, voilà le dernier pour la route. Alors on sait pas de quoi il parle, en tout cas c'est pas le dernier. Vous avez encore plein de chansons à écouter ce soir. On a continué avec Dorenlo. Alors Dorenlo, c'est un projet que nous allons recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Vous connaissez sûrement Pierre Dorenlo. Et donc maintenant c'est le groupe en deux mots, Dorenlo. Et le titre s'appelle Terrien. Et on a écouté justement un morceau qui s'appelle Terrien. Alors c'est un jeu de mots T apostrophe ES et rien plus loin, un petit peu plus loin. Donc voilà. Donc il sera avec nous. Je regarde la date. Ça sera le 26 mai. Donc un jour il sera avec nous et on va passer une bonne soirée parce qu'il a un album, il a déjà sorti plusieurs albums, je crois qu'il en est à 7 albums et cette fois-ci il en a sorti un qui est un petit peu plus rock'n'roll qu'on va découvrir ensemble dans 15 jours exactement. La semaine prochaine nous recevrons ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour la deuxième fois, c'est Angéline Anonier. On a écouté tout à l'heure un morceau qui s'appelle Shanghai et c'est justement pour nous rappeler un petit peu sa voix. Alors il faut savoir qu'elle a chanté avec les plus grands, hein, Michel Sardou, Johnny Hallyday et d'autres, voilà. Et à l'instant, on a écouté un morceau que j'aime bien, qui est très dance. C'était Gilles Selig avec Christy et Phil Cool. Pourquoi Phil Cool? Parce que c'est lui qui a écrit les paroles de cette chanson. Le titre s'appelle Reborn et on l'a écouté juste avant l'émission. Et puis on continue avec des morceaux très très très bien juste après. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 22h. Vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel. Seems so far away.

s'appelle Bloc Noir. C'était le groupe Barricade. Le groupe Barricade avec un live enregistré pendant l'émission Barricade, puisqu'ils étaient venus ici et comme ce sont de vrais musiciens, ils ont joué en direct. Voilà, c'était Bloc Noir. Juste avant, c'était Drive to Amnesia avec Better Life. Encore avant, c'était le fameux Small Town Boys je ne me souviens plus du groupe, vous le savez, vous. C'était repris en tout cas la version de Glass Zone, c'était les Ponsky Beat. Voilà, ça me revient. Encore avant, c'était Mourad avec Mathis Poulain, Scruter l'horizon. Et on a écouté aussi Melody Road avec Freedom. Et encore avant, c'était Orpheum Black avec Silent. Je vous l'avais dit, c'était priorité à la musique ce soir. Et on continue avec un groupe qui s'appelle Waterfall, qu'on n'a pas encore reçu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, mais qu'on diffuse déjà depuis pas mal de temps. Et on va écouter un morceau qui s'appelle Ma Religion. Thank you. l'émission du groupe Waterfall, c'est le rock and roll. Voilà, vous êtes dans l'émission Marika. On est ensemble jusqu'à 22h, on écoute le maximum de musique. Et on continue tout de suite avec le groupe Custom qui participera au prochain Marika Live. Le rock and roll, vous en voulez ? Pauvre monde, Poor World, le groupe Custom. Can I? avec avantage ma peine de rue comme jour. Ayant pris une cage, ma last tenue le jour. My life before. Lust for Life, c'est le titre de groupe du groupe Prisma. Voilà, on aime bien écouter un petit Prisma de temps en temps. Juste avant, c'était Custom avec Poor World, et encore avant, c'était Waterfall avec Ma Religion. On continue avec le rock and roll. Arnaud Walden et Jérôme Bohème, ça vous parle. On écoute tout à l'heure, on a écouté un morceau qui s'appelait Reborn. Cette fois-ci, c'est un morceau qui s'appelle Born Again, ce qui revient pratiquement au même, mais c'est pas du tout le même rythme. Écoutez tout de suite. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Yeah. excellent morceau de Jérôme Guam et Arnaud Walden. Arnaud Walden qui est venu plusieurs fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Je me souviens qu'il avait interprété des lives a cappella carrément, sans instrument, sans rien du tout, juste avec sa voix, une voix excellente. Hein, et ça fait plaisir de réécouter ce superbe morceau. On continue avec un autre artiste qui était venu une seule fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. D'ailleurs, j'ai pas de nouvelles, mais j'aimerais bien en avoir parce que c'est quelqu'un qui m'avait vraiment épaté. Lui et sa guitare, ils nous ont fait un spectacle formidable. Et je vous demande de vous concentrer, d'écouter vraiment la chanson qui suit, parce que c'est une chanson formidable. Il a une voix magnifique et puis s'accompagne à la guitare. Et le morceau que je vous propose d'écouter, ça s'appelle le Snow Patrol et c'est interprété par Jordan Moreau. Well, do we it all, everything on our own? garder le point levé. On lui a tout pris, sa vie, son passé, errant sans papier, futur réfugié, se battre pour la liberté. Ces hommes et ces femmes sont prisonniers depuis deux jours ou plusieurs années. On les exhibe comme des trophées, monnaie d'échange d'erreurs à souhait. Toutes ces croyances se refouler, mais le monde leur a rien demandé. Les Shaky Mates avec All Inclusive. Juste avant, c'était Red Duff avec Liberté, quelque chose qui nous est très cher. Il parle un petit peu du Bataclan et tout ça, donc des gens qui sont morts simplement parce qu'ils aimaient la musique. Et on continue avec un groupe qui s'appelle les Chili Dogs. Et le morceau que je vous propose d'écouter maintenant, c'est Piece of Plastic. Donc les Chili Dogs avec Piece of Plastic. Juste après, on va écouter un groupe qui est déjà venu, ça fait longtemps, hein, c'était il y a quelques années déjà, le groupe Ice Cream. Voilà, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas diffusé un de leurs morceaux, et je vous propose d'écouter un morceau qui, bon, pour l'instant il est encore un petit peu tôt, c'est When Comes the Night. Ça va pas tarder. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, j'espère que vous êtes bien installés, parce qu'on est ensemble jusqu'à 22h. plaisir de réécouter le groupe Ice Cream avec When Comes the Night. On continue avec un autre groupe qui est venu il n'y a pas très longtemps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et je viens de recevoir le CD. Vous pouvez d'ailleurs voir la pochette de ce CD dédicacé par le groupe Narcose sur la page Facebook de l'émission Mavrica. N'hésitez pas à y aller et mettre un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir. Et puis si vous avez des questions à poser ou des choses comme ça, et vous pouvez aussi retrouver le programme de cette émission. Donc je le mets à jour au fur et à mesure de l'émission. Donc on a écouté les Ice Cream avec When Comes the Night et maintenant on va écouter un morceau de Narcose qui s'appelle Schizo Funk Killer. Bertrand, Stéphane et Pascal qui constituent le groupe Narcose pour ce morceau qui s'appelle Schizo Funk Killer. On continue avec un souvenir. Voilà, c'est un artiste qui est venu une fois, deux fois, trois fois. Il est venu de nombreuses fois ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, je pense qu'il a, il a arrêté de faire de la musique, mais les enregistrements sont là. Il s'agit d'un projet qui s'appelait Mabkara, et on va écouter tout de suite un morceau que j'aimais beaucoup, qui s'appelle, et que j'aime toujours, hein, ne croyez pas que j'oublie et que je change comme ça vite fait. Quand on aime la bonne musique, ben, quand elle est bonne, on continue de l'aimer très longtemps après. Le morceau que je vous propose d'écouter s'appelle « Sometime ». Mabkara avec Sometime, et on va faire un petit tour au paradis avec My Heaven avec le groupe Neutral. Put your hands off, it doesn't stop. If I feel a thought in the water, sais pas si ça vous arrive de tourner en rond. En tout cas, l'IA, ça lui arrive. C'était Running in Cycle. Et on continue avec Sika, un morceau que vous devez savourer puisque ça s'appelle Enjoy. Et pour ici il n'y a pas très longtemps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, c'est Anaïs from Paris qui, comme son nom l'indique, vient de Paris. Et puis j'ai pas encore eu l'occasion de la voir sur scène, mais je sais qu'elle tourne pas mal en ce moment. Et donc si vous avez l'occasion d'aller la voir, allez la voir. Et vous allez voir aussi des musiciens, puisque Anaïs from Paris, c'est un groupe. Voilà. On va continuer avec un autre groupe que nous avons reçu il y a déjà quelques temps. C'est vrai que le temps passe vite hein, quand je regarde le nombre d'artistes qu'on a reçus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc ça s'appelle, le groupe s'appelle Odéon, comme vous voulez, hein, en anglais ou en français. Et d'ailleurs, c'est un titre en français qui va suivre, c'est La Nuit des Vagabonds. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Morica et on est ensemble jusqu'à 22h. Se séparer, mais ils avaient prévu de passer dans l'émission Eureka, donc ils ne voulaient pas se séparer avant de passer une dernière fois à la radio sur Radio Arc-en-Ciel. C'est le groupe Odéon avec La Nuit des Vagabonds. Juste après, on va continuer avec un autre artiste que nous avons découvert il n'y a pas très longtemps, mais maintenant on l'écoute assez régulièrement. Il s'agit de Alex Lebay. Alex Lebay qui fera partie aussi des artistes sélectionnés pour le prochain Maverick Alive, le Maverick Alive numéro 12 qui aura lieu le 10 juin. Le morceau que je vous propose d'écouter juste après, c'est La Vie. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel. disant adieu. pauvre soir, peinard, je rentre chez moi. Ma femme est devenue brune comme une geisha. Elle s'est mise à me parler le pékinois. Et là sur sa nuque, t'as pris mes chats. Passerait deux morceaux de Narcose. Tout à l'heure, on a écouté un morceau qui s'appelait Schizo Funk Killer. Et maintenant, c'est tout simplement en français, donc Made in China. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et on va continuer avec The Brunettes. The Brunettes avec Lover Song. Salut, c'est Benoît. Salut, c'est David. On est La Jarry. Vous écoutez Albino, notre pote sur Arc-en-Ciel, dans l'émission Marika. Je tombe de haut. J'ai froid dans le dos. Thank you. avec La Jarry, c'est qu'ils se présentent eux-mêmes. Hein. Donc c'était le groupe La Jarry avec Un rêve électronique. Et juste après, il y a Yavanna qui me supplie de rester un peu plus longtemps. Mais on attaque déjà la dernière demi-heure de cette émission Mavrika. 3 heures de musique qui passent à une vitesse phénoménale. C'est vrai qu'un jour, il faudra peut-être faire des émissions un petit peu plus longues. En tout cas, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et profitez-en la dernière demi-heure de l'émission Mavrika. Ok, je reste encore un peu. Donc l'émission Mavrika n'est pas encore terminée. On va continuer avec Pauline. Pauline à la plage, avec un morceau qui s'appelle L'amour à la plage. Donc découverte dans l'émission Mavrika. Et Pauline à la plage, on est en train de se caler une date. Hein. Ça va arriver très rapidement. Ils passeront ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour découvrir le nouveau projet Pauline à la plage. Casino sous les lampes. entendu, reconnu l'amour à la plage, un titre de Niagara. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez de, du nom de la chanteuse du groupe Niagara? Si vous trouvez le nom, eh ben, vous nous appelez sur Radio Arc-en-Ciel. Je cherche le numéro, il est marqué quelque part. Voilà, c'est le 0238 43 48 00. Et si vous me donnez le nom de la chanteuse de Niagara, ben, vous gagnez un album. Voilà, on fait comme ça dans l'émission Maurica. On continue avec The Gig, un groupe que nous avons découvert il y a quelques semaines. Et le morceau que nous allons écouter, c'est Main dans la main, Hand in Hand. Now my superbe découverte il y a quelques semaines dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe de Gig. Donc si vous avez l'occasion de les voir en concert, n'hésitez pas. De la très bonne musique, du bon rock'n'roll. On continue. En même temps, tout à l'heure, je vous ai posé une question, donc ça a été rapidement gagné, puisque la question n'était pas difficile du tout. Qui interprétait la chanson L'amour à la plage? C'était le groupe Niagara. Et qui était la chanteuse du groupe Niagara? Vous avez répondu tout de suite, il s'agit de Muriel Moreno. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel. Donc merci à Sébastien qui a gagné donc le CD que je lui enverrai. Je vais faire une petite sélection et je lui enverrai un petit cadeau, il n'y a pas de souci. Merci d'être à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. On continue avec encore de la très bonne musique. Je vais vous caler un morceau qui s'appelle Golden Cage et c'est un groupe qui s'appelle Devon Miles qui était venu il y a très longtemps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Je ne sais pas s'il sévisse encore aujourd'hui, mais en attendant, dernièrement, j'ai pas vraiment vu de nouvelles, mais ils continuent à faire de la musique, ils seront toujours les bienvenus, ils font partie de la Maverick Family. On écoute tout de suite Devon Miles avec Golden Cage. From above, but now that I shed this dead and cross fire. Ça fait du bien, un petit welcome noise, comme ça, juste à la fin de cette émission. Donc, welcome noise avec something gonna change. Quelque chose doit changer, va changer. Et on continue avec les Uncle Bikers. Vous vous souvenez d'eux? Ils étaient là il y a quelques semaines. On a une grande découverte. Un groupe que j'apprécie beaucoup, hein. Franchement, j'ai vraiment envie de les voir jouer sur scène. Ce sera sûrement l'occasion dans quelques temps. Les Uncle Bikers avec un titre qu'on écoute un peu moins souvent que les autres, qui s'appelle Don't Blame Me. groupe comme Intern Sect avec Que restera-t-il de toi. Voilà, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Ce que je voulais dire, c'est déjà les phrases magiques, hein, que le rock and roll soit avec vous. Une vie sans musique serait une erreur et everything is gonna be alright. Voilà, donc je vous rappelle quand même que la semaine prochaine, on aura ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel une grande artiste qui est déjà venue une première fois, qui revient une deuxième fois. C'est Angéline Anonier, donc une chanteuse qui a chanté avec des grands artistes comme Johnny Hallyday, Michel Sardou et d'autres, hein. Elle pourra nous le rappeler la semaine prochaine. Et le 26 mai, donc la semaine d'après, donc c'est déjà prévu, nous recevrons ici Doreen Lowe. Voilà, donc on a écouté tout à l'heure un morceau et il viendra nous présenter donc le reste de son album, hein, puisqu'il est sorti très dernièrement. Et puis voilà, on passera un très bon moment, ça c'est certain. Voilà, ce que je voulais dire aussi, parce que je suis en même temps en train de réfléchir, parce qu'il y a d'autres artistes qui sont programmés, mais ça va me revenir, hein, vous inquiétez pas. Qui vient juste après, c'est le groupe Full System. Ils étaient ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et malheureusement, j'ai pas pu assister à leur concert. Pourquoi ? Parce que c'était aujourd'hui et c'est au Dropkick. Donc sûrement ils sont en concert actuellement et moi je pouvais pas parce que j'avais radio, hein. Bon voilà, il y en a qui ont aquaponé. Moi je fais radio le vendredi soir de 19h à 22h tous les vendredis, hein, pratiquement sans exception. Voilà, c'est l'émission Marika aujourd'hui, c'est l'édition numéro 552. Voilà, retenez bien. La 553 sera avec Angéline Anonier et la 554 sera avec Doreen Lowe. Voilà. On écoute donc les Full System avec un morceau qui s'appelle Oasis. Rakef avec la Symphonie des Villes et c'est l'avant-dernier morceau puisque nous allons nous quitter avec un morceau des Tomia, un petit souvenir qui s'appelait Royal. Voilà donc Royal, le titre du groupe Tomia qui était venu à plusieurs reprises et qui aujourd'hui malheureusement n'existe plus et les artistes sont séparés. Voilà donc je vais vous rappeler quand même les dates. Donc la semaine prochaine nous aurons Angéline le 19 mai, Angéline Anonier dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le 26 c'est Dorenlo qui sera ici avec Pierre, bien entendu. Pierre Dorenlo, c'est son nom. Et aussi Dorenlo avec en deux mots, Doren et plus loin. L'eau, c'est le nouveau projet de Pierre. Donc le 2 juin, voilà, je cherchais tout à l'heure la date. Déjà, je me souvenais plus que c'était le 2 juin, ça tombe un vendredi. Donc il y aura le groupe Custom, qui participera au Mavrika Live du 10 juin. Voilà, ça fait un moment qu'on diffuse leurs morceaux. Ils sont jamais venus dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Et justement, j'en ai profité pour les faire venir juste avant le Mavrika Live. Donc, ça sera la semaine d'avant. Et on est content vraiment de les recevoir parce que pour ceux qui aiment le rock and roll, le rendez-vous est pris pour le 2 juin, vendredi. Soit à partir de 19h jusqu'à 22h. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine. Et rendez-vous, même endroit, même heure, vendredi prochain à partir de 19h. Camaris, situé au 157 rue des Fossés à Fleury-des-Aubrais, organise le samedi 3 juin à partir de 19h30 une soirée animée par l'artiste Hugo Manuel, accompagné de ses danseuses, pour fêter le lancement de son tout nouveau album. Chaque couple qui réservera sa table se verra offrir un CD par l'artiste Hugo Manuel. Alors n'hésitez pas, réservez dès aujourd'hui par téléphone au 02 38 53 14 73 ou par mail sur le tamarise@orange.fr. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Percorrer pela Estrada Nacional 2 todas as localidades com contactos com a população, plenários nas escolas, parando várias etapas, levando até Faro esta luta com colegas de moto, de carro, uma caravana que vai correr o país de norte a sul. Dia 6/6/23 vamos ter uma grande greve, a não ser, e aí era importante que acontecesse, que esse seja o dia aproveitado pelo governo, até pelo simbolismo, para podermos assinar um acordo da contagem do tempo de serviço dos professores, da dispensa de vagas para todos e da recuperação do tempo de serviço. Os professores continuam a insistir perante o governo neste rol de exigências. A dois dias das eleições na Turquia, há sondagens que dão o candidato da oposição como vencedores. O comentador de Assuntos Internacionais da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão, considera que apesar de ser possível uma vitória da oposição, mais estranho será uma derrota do atual presidente. Não é um mero presidente da República e líder do Executivo, portanto um sistema que é hoje presidencialista, é alguém que dominou de uma forma total a política turca durante mais de 20 anos, é alguém que moldou a Constituição e o sistema eleitoral em função daquilo que eram os seus objetivos. Logo, há que afirmar que é uma derrota de Erdogan, independentemente do que digam as sondagens, provavelmente espantaria mais do que uma vitória. São mais de 84 milhões de eleitores turcos. Em Portugal, a comunidade turca votou no fim de semana passado. A jornalista Cristina Borges ouviu as expectativas para estas eleições de elementos da comunidade turca em Portugal. Uma mudança é o que espera a comunidade turca que reside em Portugal. Dizem que o governo já lá está há 20 anos e estão cansados. Mas os mais de 84 milhões de turcos estão divididos na escolha, diz Sadik, que vive em Portugal há 14 anos. Eu acho que a população turca também está dividida em dois grupos. Eu acho que algum grupo também é forte que, para manter. E também uma parte que tem muito mais também tendência ou expectativa de mudança. Eu acho que o que é que mais expectativa é ser um país mais aberto, como antigamente, e depois uma perspectiva muito mais liberdade. Democracia e liberdade é preciso, menciona uma fotógrafa e artista turca que reside em Lisboa há 12 anos. Que nós precisamos outra vez mesmo liberdade ou democracia, mais liberdade. E ainda ela disse que é democracia, mas não é muito liberdade de democracia e Turquia agora. Da mesma forma pensa Gumes, uma médica turca. Com estas eleições esperamos que haja mais liberdade para mulheres, para minorias, liberdade para jornalismo, liberdade para arte, liberdade para ouvir opiniões diferentes das pessoas. Queremos mais justiça no país. Nestas eleições, a grande escolha será entre o atual presidente Erdogan e o candidato de uma coligação de partidos de oposição, Kılıç Dıraloğlu. E são mais de 3 milhões os turcos eleitores fora das fronteiras da Turquia, representam 5% do eleitorado total. Esta noite em Coimbra, uma estreia mundial de uma criação